Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone, Danny Veilleux. Ben, on va commencer avec deux bonnes nouvelles ce matin. D'abord, on va commencer avec une performance exceptionnelle de William Veilleux, qui la semaine dernière au championnat canadien de Dynamo Félix et de Jonquière. William Veilleux a battu son record personnel, ce qui fait en sorte qu'il a eu une invitation pour participer au championnat du monde à Minsk en Biélorussie à compter du mois de juin prochain. Donc, bravo à William Veilleux. Et le père de William, Harold Veilleux, a également obtenu une médaille d'argent à ces mêmes championnats canadiens, en plus d'avoir distancé tous ses concurrents à l'épreuve du squat. Il a également battu son record personnel. Tant qu'à Rémi Dufour, il a enlevé la médaille d'or et la médaille d'argent dans sa catégorie. Donc, au cours des prochains jours, on va tenter de parler à un des trois pour nous parler de leur performance. Parlons maintenant d'une autre bonne nouvelle. Le journal Le Quotidien nous apprend ce matin que le centre sportif de Normandin va connaître une cure de rajeunissement également au cours de l'été. Une somme de 1,8 million sera investie et de cette somme, ben, la salle de mécanique va connaître une rénovation, de même qu'on va agrandir la salle d'entreposage. Les vestiaires, l'isolation de la structure et les bâtiments sanitaires seront également refaits. On va essayer de parler également à Mario Fortin pour ce sujet. La municipalité de Normandin a reçu une subvention de 617 000 $ du gouvernement du Québec et également 238 000 proviendra de la taxe d'assises et le reste de la somme sera épongé par la municipalité de Normandin. La série entre les Saguenay de Chicoutimi et les Tigres de Victoriaville va commencer demain soir au Centre Georges Vézina. On sait que Yannick Jean possède le record du nombre de victoires dans l'histoire des Tigres de Victoriaville à ce qui a trait au niveau des entraîneurs. Et on y a parlé. Et pour le moment, ben, ça donne pas un meilleur sentiment le fait d'affronter son ancienne équipe. Non, pas vraiment. Ben, pas pour l'instant, en tout cas. Parce que ouais. Ça commence. Je te dirais que c'est pas un individu contre une équipe ou un individu contre un autre individu. Les séries éliminatoires, c'est quelque chose d'important. Puis c'est vraiment là, les Tigres contre les Saguenay. OK. Et les gens estiment qu'on devra être discipliné chez les Sags si on devra l'emporter. D'être discipliné comme on l'a été tout au long de la saison. Lorsque tu arrives dans les séries éliminatoires, le degré d'émotion relève encore. Tu veux être certain de rester sur la glace. Tu veux pas te faire battre par les unités spéciales de l'autre équipe. Donc, c'est important pour nous là de rester disciplinés, comme on l'a été tout au long de l'année, comme on l'a été l'an dernier également. On veut rester sur la glace. Ça fait partie de notre ADN. On veut pas sortir de ça. Et dans un dernier temps, ben, Yannick Jean n'est pas d'accord avec l'affirmation que les Saguenayens ne sont pas capables de gagner à domicile. Ben non, parce que on a fini l'année deux matchs en bas de 500 là, sur la route. Donc, les Saguenayens ne gagnent pas sur la route. Je crois pas un mot de ce que tu dis là. Maintenant, oui, on a eu des matchs où est-ce qu'on a eu plus de difficultés à marquer des buts, mais c'est pas nécessairement là qu'on gagne pas sur la route. Dans les séries, tu fais des choses spécifiques par rapport à la grandeur, la patinoire, par rapport à où est-ce que tu es, puis c'est ce qu'on va essayer de faire après les deux premiers matchs. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danraisosport.com. Hier, on a parlé avec Luc Fortin, l'instructeur-chef des Rapides de Dolboom-Cessny. On parle évidemment de la bataille du haut du lac qui débute ce soir entre les Hurricanes de Massouillache et les Rapides. On a également parlé hier aussi avec Yannick Jean, l'instructeur-chef des Saguenay de Chicoutimi, et Marc Fortier vient nous parler de l'actualité entourant la Ligue nationale de hockey. Le sport local et régional à danraisosport.com. Au sein de l'équipe.